ma reine, chaque mot que tu sèmes se transforme en poème. Tout ça pour dire que je t'aime. Tu es mon ciel et chaque mot que tu sèmes se transforme en poème. Tout ça pour dire que je t'aime. Tu as rempli ma vie de soleil. Tu illumines mon ciel sans pareil. Tu es celle qui remplit mon cœur de joie. Si je ne t'avais pas, ma vie serait plus la même. Comment te dire comme j'ai besoin de toi. Au feu de mes bras, mon rayon de voir l'avenir. Je suis prêt à affronter le pire. Je suis prêt à tout changer pour toi et devenir un homme meilleur. Bâtir un monde rien que pour toi, je serai à la hauteur. Tu es ma reine, chaque mot que tu sèmes se transforme en poème. Tout ça pour dire que je t'aime. Tu es mon ciel et chaque mot que tu sèmes se transforme en poème. Tout ça pour dire que je t'aime. Tu es celle qui rassure. Serre-moi dans tes bras. Je t'aime plus au fur et à mesure. Serre-moi tout contre toi. Sois mon présent, sois mon. Ma reine.